T'assumes, t'inquiète pas pour l'oseille. On a perdu une tonne, on va se refaire vite. Une sortie du Vénès, te contacte à Marseille. Mon petit loup, la rue t'appelle, oublie ton cartable. T'es déterminé, on verra bien assez tôt. Qu'est-ce que t'es prêt à faire, de quoi t'es capable. Comme un vu millionnaire, par là c'est pas le bédo. Ils veulent faire la guerre, la révolution. Armé ou pas, dans les deux cas c'est pas lourd. Souris t'es filmé, quand t'es sous les balles. Des ennemis, t'es sous les yeux des jaloux. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup, la rue c'est bête et méchant, ça tue pas les gens. T'as des yeux derrière sur les civils à pied, t'es calibré sur les champs, photo t'as géchant. Tu fais la mafia depuis que t'as du papier. Et toutes les défaites se changent en victoire. Il cherche un rappeur pour raconter son histoire. Il va pas durer longtemps, ça il le sait. On lui vit ton propre, le sale il le fait. Il est prêt pour tout, mon petit loup. Il nage comme un prince au milieu des requins. Il sera toujours là, au rendez-vous. Pour une paire de un, découper quelqu'un. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Faut qu'il atteigne les finances. Ils vont s'appeler nos silences. Il veut que tout le monde le craigne dans les nuits parisiennes. Il a vu Shaitan qui danse. Faut qu'il atteigne les finances. Il mange sa peine en silence. Il veut que tout le monde le craigne dans les nuits parisiennes. Il a vu Shaitan qui danse. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il a plus grand chose à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus grand chose à perdre, mon petit loup.